petite biatch. J'ai pas le temps pour tes paroles, t'es pas fiable. Ça ne date pas d'hier, tu pars à nous. Quand je te vois arriver avec la piave, mais qu'est-ce qu'il y a? Je te fais ce qu'il y a. C'est parce que t'es ma folle, c'est pas toujours ma faute. Je te présente à mes potes, tu mets du mien. Zama, tu me fais la bonne sœur, jamais tu mens. Tu pourras sortir la somme, jamais tu mens. J'ai pas mordu à l'hameçon, jamais tu m'atteins. J'ai pas dormi à la zone, 6h du mat. J'ai bugué plus qu'un ordinateur. Juanie caché sous le lit, je tire des lattes. J'écris de la sorte, j'ai peur de mon cœur. Parce qu'il pourrait tomber l'autre, ce fils de lâche. Je suis l'autre de ma mère, j'ai le vice de manie. Tu me fais tes manières, j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. De manière, j'ai vu tes larmes. Manipulatrice, manipulatrice. Me prends pas pour tes pantins. Je vois ton jeu d'actrice. Vous êtes toutes les mêmes, vous êtes toutes mêmes. Toi, mais tu parles, tu désordres. Toi, t'es juste une meuf de soir. Moi, je veux juste une meuf sans histoire. Manipulateur, manipulateur. Me prends pas pour tes pantins. Je vois ton jeu d'acteur. Vous êtes tous les mêmes, même toi. Tu parles, tu désordres, t'es pas mon poteau. Lève-toi, je mets ta crise pour une meute un soir. La confiance est devenue salée. Ça avait changé depuis quelques années. Dédicace à ceux condamnés. À mon cousin cette fille, je peux pas t'oublier. Me mettant dans la merde, dans la poche, pas de billets. On se soutenait, on a le sang lié. Autour de nous, beaucoup de putes qui veulent nous humilier. On voit ton jeu d'acteur, y'a pas de soucis. Les manipulateurs, faut s'en méfier. Écoute-moi ma soeur, faut pas dévier. N'écoute pas les faux paroles, ton cœur, ils vont te piller. Pense à l'avenir, à ta famille, arrête ton pied. Ça date pas d'hier, tu veux une fille bien. Fréquente les gens pires et les endroits sains. Frérot, ouvre les yeux, reprends ta prière. N'écoute pas les envieux qui veulent te couler. Ils veulent te couler. Qui veulent te couler, qui veulent te couler. Manipulateur, manipulateur. Me prends pas pour un dépendant. Je vois ton jeu d'acteur. Vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous mes corps. Tu parles, tu désordres. T'es pas mon poteau. Lève-toi, tu mets ta crise pour une matin soir. Manipulatrice, manipulatrice. Me prends pas pour un dépendant. Je vois ton jeu d'actrice. Vous êtes toutes les mêmes, même toi. Mais tu parles, tu désordres. Toi t'es juste une meuf de soir. Moi je suis juste une meuf sans histoire.